avec Venet et Sandro. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle, c'était Bezak Style, un truc comme ça le son. Ah oui, c'est vieux ça. Ah, ce son il était bizarre. Ah oui, c'était méga vieux ça. Ouais, donc si tu l'as, tu peux le. Je sais même pas si je l'ai encore. Ouais, c'est vieux ça. Ouais, c'est, ça date. Mm-mm. Donc. Eh ben, ben Dieu. Ah, celle-là. Eh ben, ben Dieu, je sens que celle-là. On est toujours dans la 25e Radio Sud, radiosud.net 101.8, tous les jeudis de 22h à minuit. Ce soir, ben, du coup, 22h-23h, là, c'était rétro Shao, Shao dans le rétro, Lil Shaolin, on va dire. Voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, c'était mon anniversaire en début de semaine, et du coup, Jounès, il a improvisé une émission rétrospective sur ma tronche. On peut mieux faire, hein, on peut recommencer la semaine prochaine. Tu vois. Donc, ben, pour ceux qui veulent écouter les sons, vous tapez, je pense, tu tapes Lil Shaolin. Pas sur Dailymotion, parce qu'il y a des gros dossiers sur Dailymotion. Ouais. N'allez surtout pas, cliquez. N'allez surtout pas sur Dailymotion, vous allez sur YouTube, vous tapez. Vous allez tomber sur une vidéo, il fait sur les vieux sons. Il fait des gros tags au stylo. Ah, des gros tags sa mère. Ouais. Ah, avec Lil Shaolin avec une queue de dragon, je sais pas quoi. une flèche. Ouais. Ah, c'était un style. Ni. Vas-y, hein, on peut commencer à balancer d'autres sons. Qu'est-ce qu'on fait dans la clé? Est-ce que t'as du Pinkman dans la clé? Attends, je vais regarder, oui, il me semble que oui. Parce que moi, Pinkman, j'avais une appréhension au début, tu vois. Je disais, il valide fort. Mais au final, je valide, tu vois, la chanson Virgin. Ouais, elle est dans la clé. Ah, si tu peux me balancer ça, ça me fait un grand bien. Eh ben, vas-y, on passe dans leur rap local. Vesoul. Agrandi, on va dire, parce que on va arrêter avec moi. Vas-y, bah, je balance Pinkman, Virgin. Red. On n'a pas fini. Et Red, c'était quoi Red, du coup, la promo de Red? C'était, ah oui, Sang Froid qui sort son projet 5 titres Red R.E.D. en décembre. R.E.D.K. C'est le 13, je crois. Le 13 décembre. 5 titres. Red, voilà. Donc je balance Pinkman Virgin, issu de son extrait de son wow, je sais plus parler, projet No Life, voilà. Merci. Au revoir. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. La gestion, y'a que moi qui la coucou. Jamais à la maison, je presse dans la région, mais je ramènerai la coucou. T'auras beau dire si, je participe, je vois que tu vas faire des histoires. Tu me rappelleras à 18, fond easy, mais dis-toi que c'est fini. Soir, tout le monde me fait zizi, pas de chichi, ouais, pas que TV. Soir, tout le monde y réfléchit, on peut me presser, ne reste pas rédérie. Soir, t'aurais voulu m'attendre, mais j'ai pas pris le temps de te donner ta chance. Rejoins-moi dans la chambre, t'auras plus le droit de me demander d'attendre. Je veux pas ton adresse, je veux pas non plus ton numéro, c'est nous contre le reste. C'est nous contre le reste. Ils vont tourner la veste, la gorge à mon bras super haut, le reste est dans le geste. Le reste est dans le geste. Le baby m'en arrête, dans le film d'un super haut, il faut pas que tout s'arrête. Il faut pas que tout s'arrête. Ta voix dans ma tête, je suis pas un super héros, donc ça vaut peut-être pas la peine. Ça va dans ma tête, ça vaut pas la peine. Nous contre le reste, faut pas que tout s'arrête. Il n'en est pas question que tu aies la gestion. Y'a que moi qui la coucou. Jamais à la maison, je prince de la région. Mais je ramènerai la coucou. T'auras beau dire si, je participe. Je vois que tu vas faire des histoires. Tu me rappelleras à 18, easy. Mais dis-toi que c'est fini, soir. Tout le monde me fait zizi, ouais, pas de chichi, ouais, t'es pas que Tiffy, ouais, soir, tout le monde y réfléchit, on peut me presser, la soirée des rires, soir, je veux pas ton adresse, je veux pas non plus ton numéro, c'est nous contre le reste, c'est nous contre le reste. Ils vont tourner la veste, le gorge à mon bras super haut, le reste est dans le geste, le reste est dans le geste. Baby, maman arrête, dans le film d'un super haut, il faut pas que tout s'arrête, il faut pas que tout s'arrête. Ta voix dans ma tête, je suis pas un super héros, donc ça vaut peut-être pas la peine. Ta voix dans ma tête, vaut pas la peine. Nous contre le reste, faut pas que tout s'arrête. La 25e, on est toujours là. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Il en est pas question. Et je vais manger de la soupe. Ok. Une autre. Et je me laisse mousser mon bouc. Si, là c'était Pinkman Virgin, issu de... L'homme rose, issu de du projet... T'es un gamin. Issu du projet No Life, donc on l'avait reçu dans les studios. Lourd, big up, bonne vibe. Bonne vibe, je... Voilà, moi qui aimais bien Hamza, je me suis dit, c'est bizarre que j'arrive pas à aimer Pinkman, tu vois. Mais il m'a eu avec Virgin, tu vois, il m'a eu. Mais par contre... faut que je le dise à l'antenne, Pinkman, sur son dernier clip, il s'est foutu de notre gueule. Hein. Le bâtiment. Parce que au début, je sais pas si tu l'as vu le clip, au début, on est sur des vues de building la night. Ouais. Après, ça fait une transition, on se retrouve dans un appart en ville, frère. Comme ça, je voulais lui laisser un commentaire, mais vas-y, il aurait pris en mode rageux alors que non, tu sais, c'était juste un petit clin d'œil, tu vois. Voilà. Non, c'est bien, t'as l'œil aiguisé, Jeunesse, pour les clips, on dirait. Red. J'ai la vision. I got the vision. Yeah man, I got vision. Merci, c'était Jounes. On est bien dans la 25e, bien sur 101.8. Vision. Moi aussi, je rends fou. 101.8, radiosud.net, il est 23h07, 100% local. Tiens, j'en profite. Faire un petit big up à Sinza qui nous fait les tous les visuels de la page depuis quelques temps. Les visuaux AUX, voilà. Avec 3 S. Voilà. Donc merci pour ton job, mon poteau. Et puis tiens, je profite de ton profitage aussi. Rien que Sinza va sortir un clip le 1er décembre. Yes. Ça parle de coke, sexe. cliquez. C'est tout ce qu'on aime. Cliquez, il y aura tout. Amsterdam, donc, hein. Ouais. Puis Sinza, voilà. il est pas mal sur les... Tout ce qui est pochette, logo, tout ça. Il est actif quand même. Donc, El Butero. Bah, c'est lui qui a fait, du coup, Yukuri. D'ailleurs, mon projet qui sort bientôt. Mais c'est quoi Yukuri ? Ouais. Non. C'est l'arbre. Il représente quoi, cet arbre ? Bah en fait, Yukuri... C'est lui qui l'a dessiné ? Non, je crois qu'il a trouvé une image qu'il a traitée et qu'il a rendue comme ça, je crois. Ok, l'arbre n'est pas rose de base. Bah en fait, si, c'est les sakuras. C'est des... Ah, je connais. Forever. Non, ça, c'est Shakira. Ah, c'est colombien. Ah, un truc comme ça. Ouais, sakura, c'est des fleurs au Japon. Ok. Non, Yukuri, ça veut dire lentement, mais sûrement. Pas du tout. Hein ? Je suis français. Peut-être que je suis français. Peut-être que. Non, mais peut-être que c'est le moment d'éclaircir les choses. Peut-être que Sinza croit que t'es japonais. Non, moi je suis français d'origine vietnamienne. Non, mais dis-lui. Hein, je kiffe le Japon. Ok. Est-ce que tu connais l'origine de Sinza? Oui, il est portos. Bah, choqué. Moi, bah choqué. Oui, tu savais, toi? Ça fait 2 mois, 3 mois que je le sais maintenant, mais j'étais choqué, tu vois. Mais en gros, la première fois que je l'ai vu... Bah, tu racontes. Ça s'appelle Ramon. Ramon Miguel. Non, mais la première fois que je l'ai vu, c'était... Ramon Miguel, Pepe. Ouais. De la Vega. Et tu disais, entre portos, vous êtes reconnus. Non, en gros, on j'ai... On s'est regardé. Je l'ai regardé. Portugal. Ouais. On s'est dit salut. Portugal, tu fous le menace, tu fous le bordel. Silvares. Non, même pas. Ok. Non, mais dans un couplet, en gros, j'ai posé un ou deux mots portugais, puis à la fin, je l'ai vu, il m'a fait un petit signe. J'allais le voir, tout. Il m'a dit. Oh, mais. Il m'a dit. Ah, bien vu les petits mots en portos. Aïe. C'est là, je lui dis, ouais, t'es un portugais. Il m'a déclaré les bails. Aïe. Elle est éclatée, l'histoire. Oh, je rappelle, il m'a dit, il m'a fait un signe, après il m'a dit, ouais, si. Popo. Voilà. Non, lourd. Non, mais voilà, j'étais petite choqué. Petite parenthèse pour Sinza. Voilà, petite parenthèse. Donc, c'est quand la sortie de son clip ? Shao n'est pas japonais, Sinza. Voilà, le 1er décembre. Le 1er décembre, Sinza, Amsterdam. Ouais, j'ai eu l'occasion d'écouter la musique et j'aime bien. Yes. Enfin, le son du clip, et j'aime bien. Bah, je refais une deuxième couche pour le café. Attends, l'international. Toi, t'as rebondi sur ce que j'avais dit. Moi, j'ai rebondi sur ce que t'as dit. Du coup, tu rebondis sur ce que j'ai dit. Vas-y. Ok. Demain, vendredi 29 novembre, au café L'International, sur les quais à Besançon, au niveau du pont Cano. À l'International. Voilà. Vous pourrez retrouver 404 Billy avec EDRF en première partie, SLF, Gore. C'est gratuit. Entrée gratuite. Ouais, ils se tapent des fous. Non, mais parce que le café L'International, le pont Cano, c'est vers le 408. Cano, c'est vers le 408. Ah non. Ouais, c'est pas loin. Bah, le pont des 408, c'est le pont Charles de Gaulle, mon gars. Oui, non, mais c'est pas très loin. Genre, ouais, 404, 408. Ouais, c'est genre. Je sais pas. Quel est le. Quel est le pansement, là? Je ne comprends pas. Ouais, tu vois ce que je pense ou pas? Ton pansement? Non, ah oui, l'axe aussi, putain, bref. Je sais pas. Non, le pont Cano. Oui. C'est vers les 408, on peut y aller à pied si t'es bourré, tu y vas à pied. Ouais, voilà, c'est ça, on est bien d'accord. Okay. Ah, c'est tout. Non, mais du coup, je veux dire que les 408, depuis qu'il n'y a plus les immeubles, c'est les 404. Ok, merci. C'est tout pour ce soir. Billy. Donc 404 Billy, EDRF, SLF Crew et toute la clique demain, 29 novembre. C'est pas au 408. L'International, et c'est pas 408 Billy, c'est 404 Billy. Voilà. 408, c'est Willy, 408. Voilà, c'était la petite blague du soir. On enchaîne. Vous êtes toujours dans la 25e, Radio Sud, radiosud.net, 101.8. Ça vaut le haut, hein. 23h12. Ah, ça vaut le haut, c'est la fatigue. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que tu mets? J'ai la clé, là, tu me dis. Vas-y, plouf au hasard, dis-moi trois titres, là, que tu vois. Là, j'ai Orage, bah, justement, Sinza. Ouais. J'ai Lié aux Favelas. C'est la. Ouais. J'ai K2F. Ehud. Moi, je dirais bien K2F. Hein. K2F. C'est quoi? C'est quel son de K2F? Il y a de la tech. Il y a de la tech, frère. J'ai mis le latex. Vas-y, let's go. On envoie K2F, ouais, Kamikaze de Force. C'est quoi? 2014, celui-là? 2014. Allez, l'époque, on envoie des ça. Des puces. Pas des putes, des puces. Merci. Voilà. Nuage. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Y'a de la tech, frère, j'ai mis la tech. Les frères sont hauts, j'fais le tech, c'est Camille Zega. Yo. Où sont les super-héros? J'arrive, il repart de zéro. Où sont les vrais? Qui est faux? J'avoue, je suis super, mais bon, j'ai pris le micro qui me bat. On dit le mec en crocodile, le deal en bas. Vend des disques, il graille, il prend du bide. La vie, c'est bidon, dis-le, moi j'aime les bidonvilles. Le rap, c'est LA et le luxe, les gangs habitent en ville. Je suis pas vilain, tu veux ce que j'ai pas vilain? Tiens, prends ma main et te l'élan, jette-toi dans le vide. J'ai fait un bide, bon, que tout le monde m'excuse. Même mon ex cause en mal, comme si j'étais une ex-pute. Je roule en Opel Astra, pas de bol, j'ai pas de golf, pas de carte gold. Au moins, on me traite pas de beauf. J'suis pas un sale gosse, petit, j'étais un sac d'os. Salam alaikum, j'arrive en paix, j'joue pas le boss. Vas-y, j'respecte, petit, tu peux rester. Tant que tu respires, c'est prends pas pour sa majesté. Ok, ça repart, des léopards au repas. Comme rage, j'ai mal au rap, mon texte ne passe pas sur Europe 1. Les blancs sont repeints, en gris ou martien. La star, c'est Omar Sy, la thune elle va au Barça. Boum voilà, Kamikaze a pressé le bouton. Nous voilà, mais qui donc voulait dresser le mouton? J'sais hop, c'est comme boire l'océan, crever l'accès. Oups, lapsus, voulait dire crever l'abcès. Ils voulaient nous mettre l'arsa et tester. J'suis venu, j'ai vu, j'ai planté ma tente et j'suis resté. Kamikaze t'es pas dedans jusqu'à ton décès. 4 gars et pas tant, et pas toi là, j'te sens vexé. Libère ta vessie, puis ça coule. Le rap, j'lui mets puissance 12 depuis le bus, la school. Donc reste de pisin coup. Allez, vas-y, bouge qu'on met Soel de Zahir. Calcène chez Zahir sans même avoir de salaire. Y'a de la tech, frère, j'ai mis de la tech. Le hip hop, je vais lui mettre à sec. Les frères confirmés, hoche la tête. Les frères sont rouges, la tech, c'est Camille Zega. T'es pas d'un sans pas flex. Tu rap légendaire, nos vœux, gars. La vie défile, je reste au but pour pas faire de même. Je relève les défis, y'a pas le choix, vu que je veux pas faire de merde. J'avance le but, K2F revendique, 4 gaz dev, ça rêve. Dealer, pas de shit, mais plutôt de lyrics. Vu que c'est comme d'hab, je m'installe, tu t'étales. Je fais pas de pub à l'instar des attaques. Rimas et tu t'étales, va manger, tu t'effales. Dans ta gueule, coup de manche et tu te tailles. Bah, et bête celui qui pense qu'un kamikaze voit taille. Bah, trop de face en gaille, bah, mais je le braille pas dans tes oreilles. Bah, draflingué comme le tien qui ne m'égaye pas. Je suis dans la porte et j'emballe le bas. T'emballais, fallait pas. Fallait y penser avant de jouer ton laisse-bas. Tu peux me gratter, tu verras jusqu'au bout. Moi, je reste black, t'en reste pas. Ce que t'as pas, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ramasse tes respoirs, dans l'est ne reste pas. J'rappe kamikaze de force, retiens, t'es pas dans te vexe pas. Y'a la tech, frère, j'ai mis la tech. Le hip-hop, je vais lui mettre à sec. Les faire confirmer, hoche la tête. Les frères sont beaux, j'la tech. C'est Camille Zega, t'es pas dans son pas vex. Tu rap légendaire, nos feux, gars. Y'a de la tech, frère, j'ai mis la tech. Le hip-hop, je vais lui mettre à sec. Les faire confirmer, hoche la tête. Les frères sont beaux, j'la tech. C'est Camille Zega, t'es pas dans son pas vex. Tu rap légendaire, nos feux, gars. Y'a de la tech, frère, j'ai mis la tech. Les frères sont rouges, la tech, c'est Camille Zega. Du rap légendaire, nos feux, gars. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net 101.8. Repose en paix, Taïgaz. Y'a que ça à dire. Y'a que ça à dire. Ça, c'est les grands frères. Ça, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Donc, je leur dis merci. Merci ouais. beaucoup. Je dis ça, là, là, dans cette période-là, il y avait un jour, un soir. Non, c'était un soir. C'était un soir. Où Taïgaz, il m'appelle, il me dit, ouais, tu fais quoi, là? Je lui dis, va, je suis à la messe, tranquille. Il me dit, vas-y, viens, je viens de gifler. Bon, vas-y, il est venu, tout ça, tu vois. Il m'avait dit quoi? Toi, t'es trop fou. Toi, t'es trop fou, mais c'est dommage que tu te concentres pas sur le son, tu vois. Ouais. Donc, on est parti sur l'ordi, là. Tu connais comment c'était aménagé, on est parti là-bas. Ouais. J'ai commencé à mettre tous les sons que j'avais enregistrés, mais que j'avais pas sortis. Ouais. Puis, il était là. Mais t'es un fou, pourquoi tu sors pas, celui-là? Ouais. Vas-y, pas dig. On a fait quoi? On a écouté 10-20 sons qui étaient là. Puis, il me dit, vas-y, toi, t'es trop fou. Faut les sortir, ces sons. Puis vas-y, tu vois, il me disait, ouais, vas-y, nous, on va bientôt arrêter, tout ça, c'est vous, la relève, tu connais, tu vois. Ouais. Puis bref, ça, je me. Voilà, c'était une des dernières fois que. Ouais, c'est une des dernières fois que j'ai vu, je crois. Eh oui, Taïgaz. Taïgaz. Easy. Je ne sais pas qui ne regrette pas Taïgaz en vrai ici. Ah. Tout le monde regrette Taïgaz. Ah, c'est notre grand, hein. Ouais. Il était. Je suis un vrai fou, j'allais dire, il était. Il était ferme et tendre à la fois. Je sais pas. Non, mais tu connais ou pas? Non, mais tu sais. Si ça allait pas, il te le disait. Exact. Et, voilà. Exact. Et en même temps, il savait te hack. Mais tu sais, il avait toujours le respect, même si tu sais, il déconnait avec toi comme ouais. s'il avait ton âge. Ou, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais non, lourd. Ouais. Eh oui. Voilà. Eh merci oui. De geste d'avoir dit cette ambiance. Non, bien dit. D'ailleurs, big up à Zaki qui est sur le premier couplet aussi. Zaki Zouk. Zaki, et puis big up à Jolas, du coup, bah, qui formait les K2F, les Kamikazes de Force à l'époque. Nous, on les écoutait quand on était tout petits. Bam-bang, quand on était bam-bang. Oh. Ouais. Les petits gars, j'ai des bonbons. Eh oui, oui, et les anciens les connaissent. Hein, s'il y a des anciens qui écoutent là, la radio. Ouais, j'écoute là. L'époque de Two One Click, ouais. Tout ça, ils sauront. Ah, les To Be Free? Junkie Filaz. Ah non, c'était pas les To Be Free, les Two One Click. Hein. Ouais, bref, c'était vieux ça, hein. On est revenu loin encore là. Ouais. Oh non, 2014, mais l'équipe est vieille, on va dire. L'équipe est vieille. Les précurseurs, tu vois. Ensuite, vas-y, dis-nous trois sons. J'ai trois dans la sons. Play. J'ai Eudeginho, Ghost. Non. J'ai EDRF, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas, ouais. Clip 25 Bunker, ça doit être Ratata, je pense. Ouais. Sinza, Freestyle. BRK, Freestyle. Big, Théo2S. Ouais, c'est un ouf. Théo2S, moi je dirais bien. Ah non, pas du tout. Ouais. Tarko. Moi je dirais bien BRK. Sidibes. BRK. En plus, il sort son projet bientôt. BRK. Ah, une petite promo de Théo2S. Là, c'est parti. BRK qui sort son projet le 2 décembre. Il s'appelle comment son projet? La salle du temps. Ouais, t'es organisé. La famille, la cité. La cité. Ok, ok. Ouais, exactement. BRK, la salle du temps, 2 décembre. C'est quoi la salle du temps? C'est quoi la référence de la salle du temps? La salle du temps, c'est Dragon Ball Z. Ouais, c'est un fou. Non, mais. C'est avec. Comment il s'appelle? Maître Caillot. Maître Caillot. Avec Maître Caillot. Ah, c'est vrai que le caillot dans la chaussure. Merci. Voilà, voilà. Donc c'est. Vas-y, on met BRK. BRK, hein. Le freestyle. J'envoie ça directement. Ou à Ketchup Caillot. Oh là là là là là. C'est high level. Allez, prenez vos caillots de texte. Oh là là là là. Il en sort de partout. merci. Donc c'est le freestyle dans l'attente. Pour ceux qui cherchent, vous tapez BRK freestyle dans l'attente sur YouTube et vous trouvez ça. On est toujours dans la 25e. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Faut savoir attendre. Yo, j'attends mon heure. Personne va la prendre, j'suis jamais à l'heure. Donc qui va m'attendre, gros, comme d'abonnés dans l'attente. J'attends ses fesses posées dans l'attente. Elle kiffe l'étudiant spécialisé en vente. Oui, la go m'a fait des avances, car elle sait que j'ai anticipé la latence. Ils m'ont pris pour un rappeur qui avait rien dans le cerveau, qui était cassé début. Yo, moi je les ai pris pour des rappeurs qui étaient sans niveau et qui sachent tes débuts. Yo, tu peux te considérer chanceux devant toi, t'as le nouveau qui vient casser des culs. Ils viennent de la rue, donc ils croient être des bandits. Est-ce ton arme en plastique que tu prends? Bâtard, on vient nulle part comme le Qatar. J'suis venu récupérer tout le business. Yo, tout le business. J'suis venu récupérer tout le business. Non, pas très bavard, j'veux tout m'accaparer. J'suis sur la route, j'ai les pleins phares. Histoire qu'ils voient qu'on est préparé. Ils ont plus de bain, j'ai même pas démarré. 0-19, faudrait que ce soit mon année. Et si ça marche pas, direct c'est 0-20. Apparemment, ton équipe a tout gagné. Mais en cas d'embrouille, tu vois que t'as 0-1. Ouais, tes potes offront les Gilbert Montagnier. Ils seront plus aveux quand tu auras des sous. Souvent absent au rendez-vous. Leur son, c'est un crime, donc rendez-vous. L'effet d'une balle que tu prends dans le torse. Sèche de Rameau, c'est ta clune en torse. Je fais rêver mes gosses qu'ils aient besoin de rien. Qu'il veut vraiment, il devient. Prochain cassage de rein. Si je réussis, je marque sur mon CV de vin. Dans 10 ans, chine de vie. Pendant qu'elle me cassera les couilles pour sa coupe de vin. Hey yo, hey yo, hey. Dans 10 ans, chine de vie. Pendant qu'elle me cassera les couilles pour sa coupe de vin. Faut être futur icône pour nos gosses, qu'ils fassent pas toutes les conneries qu'on a fait. J'ai grandi mes deux refrains, c'était les boss. Malgré ça, je me suis jamais dit, faut taffer. Des capacités que j'ai pas su appliquer. C'est l'élève du fond qui a bien sauté une classe et qui 5 ans après l'aurait pas mérité. Hey, hey, on fait des erreurs, gros problème avec la précision. Sûr de moi quand je prends une décision. Je préfère être solo qu'à plusieurs désunis. Ils sont remplis de vices, remplis de dérision. Je convois ma tête sur télévision. Juste pour pouvoir enfin péter tout l'écran. Ça fait mal comme lors d'une première incision. Ils m'ont dit BRK, faudra que t'aies du cran. Je vois que le monde est tout petit pendant que je deviens grand. À force tous les manger, faudra que je perde du gras. Je me remettrai en question seulement de temps en temps. Moi je veux percer sans venir de la French Riviera. Je vois que le monde est tout petit pendant que je deviens grand. À force tous les manger, faudra que je perde du gras. Je me remettrai en question seulement de temps en temps. Moi je veux percer sans venir de la French Riviera. La 25e, 23h23 exactement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à toi. C'est Valentine. 23h23. C'est Valentine qui passe à Théo 2S. C'est pas la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. Ouais, excuse, t'inquiète, je ne pas mon téléphone. Ouais, Valentine, on a vu tous les messages. C'est pas vrai. On a vu toute ta conversation, après ça ne nous regarde pas. Bon, ça c'était en aparté. C'était le son de BRK Freestyle dans l'attente. Vous pouvez retrouver le clip sur YouTube et son projet le 2 décembre, la salle du temps. Petite référence. C'est le projet qui sort le 2 décembre. Ben, je sais pas, c'est ce que Théo 2S a dit. Théo 2S, pose le téléphone un peu, parle avec nous s'il te plaît. C'est un projet, c'est Valentine, un son, c'est quoi Théo 2S? Excuse Valentine, on te prend Théo 2S 30 secondes juste pour le truc, après on te le rend. Lui, du coup, c'est quoi? Du coup, il a retiré son casque, il est parti. Il sort le 2 décembre, ouais, le projet, la salle. C'est un projet, c'est un. Théo 2S a quitté le groupe. Non, mais parce que moi, je pensais que c'était un. Parce que le 2 décembre, c'est un lundi. Et ça se fait plus qu'on sorte de sortir les projets. T'es sûr que c'est un projet ou c'est juste un son? C'est, il me semble que c'est un projet. Hein. Moi, j'ai vu la pochette. Bon, on va dire salle du temps le 2 décembre. Voilà, vous verrez ce que c'est. Ça se trouve, ça se trouve, c'est un clip. Ça se trouve, c'est une bar mitzvah. Enfin, on sait pas. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Big up à Tupac. Samuel Sam. Omtiti. Samuel Omtiti. Ouais, non, pas Samuel. Samuel, le frère de Wayby. Le Thénardier. Qui m'envoie un message et qui me dit ça fait vite par rapport à la semaine dernière. Bah ouais, gros. Excuse, on n'a pas la puissance de Wayby pour remplir les salles. Voilà, moi, quoi, voilà. Et puis. Nous, on a Théo2S, hein. J'ai envie de te dire, je suis animateur toute la journée, j'ai pas envie de faire animateur nocturne non plus, hein, avec des groupes de 400 personnes, hein, calme-toi. 404 Billy, DRF demain au Café L'International, concert gratuit, 0 euro. Brouh, j'ai des frissons. EDRF, SLF Crew, Gore, toute la clique, voilà quoi. Je suis chaudé. Il est chaudé. Ramenez-vous. Ça va chuchoter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, il y a une soirée jeudi prochain au Maki. Au Makumba. Au Maki, Ardox. Ardox, l'ami Ardox, ton collègue Molo. Molo, c'est ton collègue. Jeudi prochain au Maki, Ardox, Baile Funk, Trap, tout le bazar. Donc, venez jeter un petit coup d'œil au Maki, rue Claude Pouillet, c'est ça? À Gauchland. Rue Claude Pouillet, au Maki, jeudi 5 décembre. La gaucherie. Ardox. La gaucherie. L'équipe. Ouais, rue des Gauches pour ceux qui connaissent. 23h26, toujours la 25e Radio Sud, 101.8, radiosud.net. Ouais, et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense quoi de quoi? Hein? Ouais. Je sais pas, Théo Deses, qu'est-ce que t'en penses quoi, Julien? Théo Deses. De. Voilà. Voilà, merci. Voilà, moi, merci. J'ai pas suivi. Est-ce que vous avez encore des morceaux à diffuser ou est-ce qu'on continue? Vous voulez qu'on fasse un petit truc là, vite fait? Ouais. Parce que là, moi j'ai fait du rap, toi tu fais du rap, t'es au DSS. Chao, tu fais encore du rap. À peu près. Venez, on se dit des trucs. On a genre 5 secondes, allez, 3 secondes pour. On se dit des mots. Moi je dis un mot. Attends. Moi je dis un mot. Le village s'endort. Non, moi je dis un mot. La sorcière se réveille. Non, juste pour vous réveiller un peu, parce que moi sinon je vais dormir là. Moi, je dis un mot. Toi, tu dois dire dans les 2 secondes, 3 secondes, un mot qui est en lien avec mon mot. Puis lui, il doit dire un mot qui est en lien avec ton mot. Ok, c'est un espèce de brainstorming, tu vois. Ok, mais au pire, je mets des instrus, puis on le fait sur des instrus aussi. Tu vois. Si tu veux pousser le truc. Bah, vas-y, hein, moi, je suis ouvert, hein, y a de l'antenne. Bon, Théo Deses, il a baissé la tête déjà, donc il est pas bien. Bon, moi, je m'en vais. Il cherche des coupés dans son... Non, mais c'est juste tu sais, des associations d'idées, en fait, ça s'appelle, tu vois. Ok. Genre, si je dis bleu, tu peux dire mer, tu vois, ou bleu, cordon, tu vois, puis après, de cordon, tu dis fil, tu vois, hein, des associations d'idées. Théo Deses, on est là. Ouais, vas-y. Ok. T'as compris le délire ou pas? Ouais. Écoute, je tente, je mets une prod au hasard. Après, c'est pas du rythme, hein, c'est que des mots. Hein. Je vais mettre un petit fond de prod. Tranquille. Ouais, c'est lourd. Écoute. Yo. Allez, Jounès, il improvise des jeux comme ça. Écoute. Qui c'est qui commence? Bah, c'est toi, c'est ton jeu. Ok. Donc, tu peux rappeler le. Non, tu rappes pas. On va. Moi. Lui, toi. Il a cru qu'on lâchait un 16. Non. Il est en train de sortir son téléphone, tout. Molo, tu veux participer ou quoi? Hein? Molo, il. Ouais, sans, il s'en tape. Bah, on va dans le sens de l'aiguille d'une montre. On part de là, puis on va là-bas. Ok, d'accord. Donc, c'est à toi, Théo 2S après, du coup. Ok. C'est le jeu de Jounès. Ok. 23h28. Je vais te faire un petit truc. Bleu. Red, purple. Molo, faut que tu viennes dans le micro. Ah mais Molo, hein, laissez-le, il est pas connecté lui. Purple, vision. Œil. Gras. Bro. Gras. Bah non, mais éliminé. Ok, du coup j'arrête la prod. Bon, t'as un gage. Vas-y, on va inventer les règles du jeu. Du coup. Vas-y, j'ai rien compris, le okay. Gras, gros. Gras. T'aurais pu dire. Un malade, lui. Du coup, ton gage, c'est qu'on lise les 3 derniers messages de Valentine. Et pas forcément de Valentine, mais on les lit à haute voix. Puis on filme, puis on met ça sur tes réseaux. Voilà, c'est ça ton gage. Non, en tout cas, ton jeu était sympa, mais. Mais ouais. Faudra qu'on le prépare la prochaine fois, parce que là, c'était foireux. C'était. Voilà, excuse-moi, des fois j'ai des pulsions, faut que je les mette, faut que je les fasse. Non, mais t'as raison. Ouais, quand je vois une fille, je. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, faites attention le soir. Ça part dans tous les sens. Hein, à partir de minuit, faites attention le jeudi. Passe après minuit. C'est gamin. Donc voilà, non mais voilà, c'est tout. Merci Théo Desest. Donc tu peux nous balancer un ou deux sons, mais on va retravailler le jeu, tu vois. Mais okay, il m'est venu okay, comme ça. Tu sais quoi, vu qu'il est là, hein, on va mettre un peu de Théo Desest. Ça dépend. Ça dépend. Je commence par quoi? Par rien. Par rien du tout. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais je sais pas, il y a des sons là que je pourrais mettre. Bah non. Bah je sais pas, ils ont l'air bien en plus. Ouais. Ils ont des noms. Ouais, ouais non, mais mets peut-être Solia et Schneo si tu veux. Solida et Schneo, mais c'est écrit Solia et Schneo. Si tu veux. Je sais pas. Ah, mais attends. Non, mais je crois que dedans il y a quand même mec. Il y a des trucs de Heatwave, il me semble. Il y a mec, mais j'ai pas vu Solida. Il y a Sleepwave. Non, mais je crois qu'il a écrit Solia. Ouais, mais il est pas dedans. Je l'ai pas trouvé. Il doit être en wave ou... Ah ouais, il est en heat wave. Ah, fatigant. Ok, bah tu sais quoi, je vais balancer mec. Ouais, bah mec. Hein. Issu du projet Heat Wave avec Charlie, Wavy à la prod et Remed à la prod. Donc je balance mec et puis après on part sur l'interview SMS Instagram de Théo 2S. Allez, on est toujours dans la 25e, hein, tu connais. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. J'ai déjà roulé, avant de brasser j'avais jamais fumé. Les problèmes passés faudra assumer. Chacun de tes choix détermine qui tu es. Dis-moi, y'a combien de gens qui parlent? Maintenant dis-moi combien d'actes. On compte pas ceux qui sont hyper. Non, on les calcule toute notre life. Je fais plus d'efforts, c'est comme ça que ça marche. Tago m'appelle quand le sort t'es pas là. J'ai autre chose à faire de bien plus productif. Pendant que tes forces t'es pas pour du bif. Les MC parlent de gens ah ouais, mais ont du mal à sortir. Aujourd'hui tu paies ton or ouais, mais t'en gagnes pas un centime. Pourquoi tu parles quand je suis pas là? Faire le taf, les remparts, oh. Mec. Aucune gloire à faire le scar là. Remplis mon verre, mais c'est pas de l'eau. J'fais des sous, ouais, laisse derrière les soucis. Money. Des tas de sous, ouais, s'efface par un soupir. J'fais des sous, ouais, laisse derrière les soucis. Money. Des tas de sous, ouais, s'efface par un soupir. Mec. Pourquoi tu parles quand j'suis pas là? Pourquoi faire le taf, les remparts? Je fais du bio, remplir la fée fait du bien. Ce qu'on vit c'est du reste debout. L'avenir m'est dû, je me lève tôt le matin. Sale journée, faut que je me décrase sur le papier. Savourer le pétard en fin de journée. On n'aime pas jouer si y'a rien à gagner. Car en vrai le genre pute t'es bien pute en fait. T'inquiète, billet dans la pocket. Je passe au plan B, pas donc t'observes. Fume la V, pas la moquette. Viens me balader, on est pompette. Wesh les gars, va scratch. J'perds pas le nord ni l'est. T'es en pyjama, master. J'roule ma troisième fusée. Monte dans les rapports, j't'apporte ceux qui t'adorent chaque soir. Si j'fais des efforts pour ta pomme, j'peux niquer des mères pour ta poire. On entre dans la porte pour le bifort. Pas besoin de mentir pour une femme. Les go te regardent, faut que t'ignores. Elle m'envoie des nudes pour les flammes. Mec. Pourquoi tu parles quand j'suis pas là? Comme quoi faire le taf, les remparts. J'fais des sous, ouais, laisse derrière les soucis. Des tas de sous, ouais, s'efface par un soupir. J'fais des sous, ouais, laisse derrière les soucis. Des tas de sous, ouais, s'efface par un soupir. Mec. Pourquoi tu parles quand j'suis pas là? Pourquoi faire le taf, les remparts? Mec. Aucune gloire à faire le scar là. Remplis mon verre, mais c'est pas de l'eau. Radio La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ouais, bah, Conforama, But, comment on peut meubler. Ok, t'es génial. But, Conforama. Putain, c'est où qu'on peut meubler encore? Ben, Fly. Fly, ah, Fly. Centre-accord. Fly, Centre-accord, on peut meubler. Centre-accord. Brico Dépôt aussi, Brico Dépôt, il y a des meubles, là, même le Roi Merlin, on peut meubler aussi. Bah, chez moi, hein, on peut meubler, il y a des meubles. Molo, on peut plus meubler là. Je sais pas, Molo, il a pris. Alinéa. Ouais, mais ça, c'est genre quand t'écris une lettre et puis que. Alinéa. Tu vois? Ok. Je sais pas. C'est quoi le son que tu nous as mis, Molo? Non, il a choisi un son de la boucle. Ah, ok. Il a choisi un son pour après. Ok. Bah, 23h35, on est toujours dans la 25e. Pour ceux qui nous rejoignent seulement ce soir, c'est en mode bricolage, bout de ficelle, émission improvisée. MacGyver. On a eu une petite annulation d'invité. On ne balance pas, on ne dit pas qui c'est. Parce que... voilà, tant pis, c'est pas grave, ce sera remis. Donc, bah, d'ailleurs, pour les invités, là, pour décembre, ce sera calme. Donc peut-être qu'on va finir sur une grosse émission et puis on se dira rendez-vous en janvier. Père Noël, normalement, il vient. Au calme. Est-ce qu'on fait une pause pendant les vacances de décembre, les gars? Parce que... Ah, tu veux qu'on décide là en live, là? Ouais. Tu veux qu'on déballe notre linge en famille? Déjà, moi, je pense qu'il faut qu'on sache. Non, mais est-ce qu'on dit c'est les fêtes de fin d'année? Ouais, ça, en vrai, de vrai. Attends, je regarde l'agenda parce que en vrai, ça va être chargé, là. Parce que moi, je t'avoue que les fêtes de fin d'année, Maurice s'est cru. Il sortait ses poubelles, lui. Il a commencé à tout. calme. Antenne, pas antenne. Bah, les couilles. Tu veux dire quelque chose, Maurice? Non? Ok, merci. Non, ouais, en tout cas, pour les fêtes, voilà, je serai là, mais je serai pas là, quoi, en gros. Ouais, donc, on peut faire une petite pause, voilà. Si vous voulez continuer pendant les fêtes, on continue pendant les fêtes. Non, moi, je pense que là, ça peut être une petite. On se dit quoi la dernière émission, la semaine prochaine? Ben, semaine prochaine. Après, tout dépend si RTZ veut faire sa chronique mi-décembre ou pas. J'attends des nouvelles. Sinon, la semaine prochaine, ce serait la dernière. Moi, ça me va. De 2019. Ah, ouais, le 5. Ouais, si, ça me va le 5. Voilà, hein. N'importe, hein, à voir. Hein. Sinon. Viens, au pire, on discute de ça. Ouais, on discutera de ça après. Si vous voulez assister à notre discussion, bah venez. Voilà, venez. Venez sur Insta, on va faire un groupe. on continue ou on continue pas, venez. Puis vous, on voilà quoi. Non, par contre, pour les auditeurs qui nous écoutent et. Auditrices. Et auditrice grâce à Théo2S. Grâce à Théo2S, merci Théo2S. Au pluriel, auditrice. Eh ben, n'hésitez pas à nous donner des idées pour les prochaines émissions ou peut-être des gens à nous faire découvrir du coin que peut-être qu'on n'a jamais passé, qui sont jamais venus. Des idées pour les prochaines émissions, etc. Peut-être lire les messages de Théo2S. Ah, ça, ce serait. En ligne. Je pense qu'il y aurait des débats à lancer. Il y aurait des lives Insta, des appels téléphoniques. Ah, il y aurait des bagarres devant le. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Non, mais rien que t'amènes Jounès, il y a des bagarres devant, tu vois. Voilà. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'il est 20... Là, il est 23h38. Là, il y a Molo, il a sélectionné un petit son. Là. C'est qui, Molo? C'est mon ami. Ah, c'est celui qui dit « Ah, je sens que c'est là. » Ah, je sens que c'est là, là. Écoute celle-là. Écoute celle-là. Du coup, il a sélectionné Kakaroto, issu de la boucle. Ah, ça c'est dans la boucle. Ouais. C'est avec Schneo et Veneti. Avec Schneo et Veneti. Ça, ouais. C'est un gros. Eh, tu sais que Schneo, à chaque fois que je le croise, il me dit vas-y, je vais le clipper. Ça fait 3 ans qu'il me dit ça. Ouais. Il me dit, quand je viens, je le clip. Au final. Final, Veneti, ouais. Il a un gosse. voilà. Il a clippé. Voilà. Vas-y, bah, je vais passer Kakaroto. Le petit mot de la fin, on finit sur Kakaroto au pire. Oui, ouais. Jounès, t'avais des trucs à annoncer. Je sais pas. Tu veux que j'annonce quoi? Ton projet, ben, je sais pas, on dirait t'avais des trucs à dire encore. Non, en fait, moi je te dis, là je suis en mode pilote automatique. Ok. Là, c'est la fatigue qui me fait faire des trucs. Ok. Si je me... Là, tu peux me laisser jusqu'à 6h du match, je suis là. Hein. Ok. On va arrêter sur Kakaroto. Yeah. Sur Kakaroto. Ouais, okay. Kakaroto. Il a cru que c'était un plat italien, sur Kakaroto. Kakaroto. Bon, ben, hein. Je fais un petit rappel pour ceux qui sont à Bezac demain soir. Tu fais des rappels, toi. Voilà. J'ai roufté, t'es payé pour ça. Bah, peut-être. Hein. Là, ça, demain, c'est... demain, vendredi 29, 404 Billy EDRF. Oui. Non, non, je parlais à Maurice. J'aime bien ta coque de supporter. Ok, t'es génial. 404 Billy EDRF au Café l'International à Besançon, situé vers le Pont Cano. Donc, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous y retrouverez EDRF, ouais. SLF Crew, Gore, toute l'équipe. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais, mais tu payes ta conso, quoi. Ouais, mais c'est l'entrée est gratuite quand même. Pour un concert, c'est bien. Ouais. C'est le bruit qui pense qui fait ça. Ah, mais si après, jamais... si le bruit se met à penser. Oh, génial. Et les oreilles qui courent. Et puis, il y a aussi la pensée qui s'ébruite. Ah, putain, ouais, c'est génial. Oh, putain, on est mal barré. C'est des souris muets qui tiennent ça. Oh, putain, Est-ce que t'as déjà entendu du rap muet? Ouais, bref. Bref, ça part dans tous les sens, cette émission. Donc oui, demain, 404 Billy EDRF au Café l'International. Et jeudi prochain, si je ne me trompe pas, entre demain et la semaine prochaine, il ne me semble pas, à ma connaissance, qu'il y ait autre chose. Mais jeudi prochain, le 5 décembre, Ardox et toute son équipe, je crois que c'est DJ... Bounce. Non, ce n'est pas DJ Bounce, c'est un nom plutôt fou. Fou ? Je sais plus. DJ Crazy. Mais bref, il y a Ardox, c'est du baile funk, il y a de la trap music. De trap music. Fucking trap music. Au Maki, le jeudi 5 décembre. Ah, c'est, c'est DJ P. Il s'appelle comme ça ? Pute. Il s'appelle DJ Pute. Ok. Et ben voilà, bah DJ Pute. Non, sérieux ? DJ Pute et Ardox. Je sais pas si c'est une blague de Molo ou pas. Il s'appelle DJ. Il est venu ce soir faire. Non, apparemment, c'est ça. Mais il me semblait bien que c'était un blast comme ça. Bah écoute, c'est jeudi 5 décembre au Maki. Mais c'est une fille ? Oh, bah non, je pense pas. Je ne sais pas. Molo, c'est un garçon, ce DJ ? Bref, jeudi 5 décembre okay. Au Maki, Ardox et toute son équipe, baile funk, trap music. Ouais, c'est MC Chat. tout le bazar. Pour ceux qui ne situent pas le Maki, vous traversez le pont battant en direction MC de la Grande Rue. C'est la première rue à droite. Donc n'hésitez pas à y aller. Bientôt mon beau mal, MC Tush. Juste petite parenthèse, petite quiz, un quiz pour Théo 2S. Il se passe quoi le 2 décembre ? La sortie du projet de Berk. Ah, ok. C'est quoi le nom ? C'est quoi le nom pour Junes ? Ouais. Il se passe quoi le 13 décembre ? Aucune idée. Mais si, on l'a dit tout à l'heure, Junes. Le 13 décembre, c'est... Tu devrais t'en rappeler quand même. C'est une couleur, le 13 décembre. Ah ! En plus, t'as... Non, oui, c'est l'album de Sang Frio, El Sangre Frio. Sangre Frio. C'est un album 5 titres, Red. Yes. By voilà. SFR. Ok, bravo, merci. Mais il travaille chez SFR, Sang Froid. Il fait de la pub pour SFR, en fait. Peut-être. Non, je veux lui dire. C'est peut-être un. Il fait des trucs de Red by SFR en public. Sublime. T'entends ? Kakaroto, parce qu'on dit. Eh bien, du coup, on se quitte la 25e soir. On se quitte sur Kakaroto, titre issu du projet La Boucle. La gastro. En avril 2019, si je me trompe pas, je ne sais plus. Ça veut dire, en italien, si je traduis, Cacarotto, c'est la route du caca. Ok, ok, pas mal. Ok, bon, bah, je propose qu'on fasse une émission avec tous les anciens sons de Junes la prochaine fois, parce que... Ah, c'est là. Moi, je suis chaud, hein. Ouais, moi, je suis chaud aussi. Ah, chante, c'est là. Voilà. Donc, c'était la 25e. Il est 23h43, on se quitte avec Cacarotto. Ciao, Schnell, Venetti. Merci à ceux qui nous ont écoutés ce soir. On a bricolé une émission. Il y a Junes qui est très fatigué et très très chiant. Non, en soi. Sans froid ? Non, Kakaroto, okay. La route du caca, oui. Normal. Mais tu sais qui c'est Kakaroto déjà ? Ah, pas du tout. C'est Sangoku en fait. Ah ouais ? Kakaroto. Moi je suis pas un bouc DBZ moi. Moi je sais juste que Sangoku, Sangoku il meurt. Ah, mais skin. Je sais qu'il y a un mec qui est vert, mais c'est pas Hulk. Je sais qu'il y a Vegeta, c'est un haineux. Il meurt aussi, lui. Je sais pas. Ou il nique. Je connais pas, moi, je suis pas un mec de. Je sais qu'il y a Krillin, il a pas de nez. Je sais que Sangoku. En fait, je sais que Sangoku, à un moment, il a une queue, mais à un moment, il a pas de queue. Ouais. C'est tout. C'est d'actualité. Je sais qu'il cherche cette boule de cristal. Ouais, cette boule, il cherche cette boule. Le résumé de DBZ. Qu'est-ce que tu fous avec cette boule ? Akira Toriyama, là, il est pas bien. Qu'est-ce que tu fous avec cette boule ? Ça, il a un nom de sushi. Et qu'est-ce que tu fous ? C'est un japonais. Voilà, bah, tu vois. C'est l'auteur de DBZ. Mmh.

trop offensif pour eux dans le jeu, je les entends dire. Oh, t'as que les leurs, t'as que les leurs, t'as que les leurs. Comment ça, un chinois dans le rap débarque? Oh, t'as que les leurs. Je sors de mon vaisseau. À ma gueule, un gros béto. Sauvage, c'est mon gros défaut. J'ai rien de ce qu'il me faut. Ah, lors je me balade comme un homme pour me servir. J'ai croisé petit cœur qui a tenté de me perdre. Grandi à la dure, éduqué à la rallonge. Impossible que je m'allonge. Triple mon cash, fonctionne à l'allonge. Merci pour l'éloge, mais le temps c'est de l'argent, donc je vais jouer l'horloge. Je pose, me barre de la scène, after, je compte le bif dans ma loge. Vive du détail ou grimpeuset ou cellophane, faut que je la bazooka, faut que je la passe ou pas, faut que je roule la bazooka, faut que je roule la bazooka. Et on y va, nique sa mère, soit ça passe ou casse. Vive du détail ou grimpeuset ou cellophane, faut que je les pousse ou quoi, faut que je les baise ou quoi, faut que je roule la bazooka, faut que je roule la bazooka. Paye à temps ou tu vas finir sous bazooka. SO ailleurs mon pote, je l'en fuck les cops, je l'en fuck les cops. Commerçants, artisans, grande surface. Vous avez un besoin, nous avons la solution. Affichez-vous sur Radio Sud et radiosud.net. Bannière, campagne audio, plan communication à des tarifs très attractifs. Contactez Radio Sud Régie au 09 51 63 33 30. 09 51 63 33 30. Radio Sud, yo, yo. La radio urbaine de Besançon. Besançon a enfin trouvé sa radio. Radio Sud. Y que griten los que están presentes. Hoy va a bailar hasta el presidente. Estoy tan pegado que no salgo de tu mente. Quieren apagarme y yo no tengo frente. Pa' bailar no existe pena. Este funky se candela. De aquí nadie va pa' afuera. Esto lo bailan en la favela. Izquierda, derecha. Pa' arriba, pa' abajo. Izquierda, derecha. Rompiendo. Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum.